Bébé, je suis un lossa, mon cœur est un glaçon. Et pour le réchauffer, c'est pas l'amour mais l'oseille. Tempête que devant les bacs, ma gueule. Moi et mes cojones, on se fait tout seul. Prêt à perdre la paix. Pour les miens ou pour mes principes. Pas pour ton amour, bitch, remballe ton poussé. Trop seul, y'a dans l'élastique. Je veux ce qu'il est fâche, les poucs avaient les deux chemises. T'as voulu nous la mettre, t'as fini comme Salvatore. On a fait du haram en croyant réussir. On la taille d'air, on la visseur. Les démons mènent la danse et tu connais la chorée. Nerveux comme le taran, descendant de Boudjahed. Je vais t'enterrer vivant si tu touches à la daronne. Derrière les barreaux, mes frères bientôt libérables. Y'a que les SS qui resteront pour se la foutre dans le trou. Plus on boycott, plus je vais les baiser. Power DZ que de la frappe comme Benzé. C'est pour l'oseille qu'on le fait. C'est pour l'oseille qu'on le fait. Ou pour représenter le zoo. Younger rich. Younger rich. Je veux les deux produits des mots comme Ditch. Ditch. Younger rich. Younger rich, je veux les deux produits des mots comme bitch. Dip. Younger rich. Younger rich, je veux les deux produits des mots comme bitch. Bitch. Yeah. Je veux les deux produits des mots comme bitch. Bitch. Je regarde vers l'avenir. Oh maman. Mais la misère me dévisage. Je fouille dans mes souvenirs. Oh baba. La misère a fait de nous des soldats. Plus de beef, plus de bitch, plus de snitch. C'est pas une addiction, c'est un vice. Et dans le cercle, on s'enlise. Mon ami, tu parles trop. Donc je surveille mon dos. Mes oreilles sifflent. Toi tu la vends, mais tu tapes dedans. C'est comme un proxénète qui épouse sa tout. La street m'attire comme cette bitch. Je la pénètre, j'y traîne toute la nuit. Oui, elle m'amène que des ennuis. Mais je me sens comme un lion dans ma jungle vie. Younger rich. Younger rich. Je veux les deux produits des mots comme bitch. Bitch. Younger rich. Younger rich. Barbe blanche, j'ai livré des combats de tout genre. Des coups, je peux te dire que j'en ai reçu des tonnes. Et je ne compte plus mes blessures. Mais aujourd'hui, la seule cicatrice qui me fasse encore mal, c'est celle-là. Cette cicatrice, c'est pas le souvenir d'une aventure ou d'un de mes duels avec œil de faucon. C'est un de tes hommes qui me l'a faite. Marshall Dittich, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Younger rich. Younger rich. Les deux produits des mots comme bitch. Bitch. Younger rich. Younger rich. Je veux les deux produits des mots comme bitch. Bitch. Younger rich. Younger rich. Je veux les deux produits des mots comme bitch. Bitch. Yeah. Je veux les deux produits des mots comme bitch. Et pourtant, à aucun moment je n'ai baissé ma garde. Tu comprends ce que j'essaie de te dire, Barbe Blanche? Cet homme est dangereux. Il a patiemment attendu son heure. Il n'est jamais devenu un de tes commandants. Il n'a pas cherché la gloire en se faisant un nom. Il est resté dans ton ombre, se cachant derrière la renommée du grand Barbe Blanche. Mais pendant tout ce temps, il est devenu extrêmement fort. Et maintenant, il passe à l'action. Avec une ambition démesurée, il veut atteindre les sommets. chaud, je suis Jazairi.